Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le nouveau roman. En décembre dernier, c'est d'une bien curieuse manière que le nouveau roman, ce mouvement qui défraya la chronique en France dans les années 50 et 60, s'est invité dans notre actualité. Au cours d'une conversation, deux amis écrivains débattent. Le premier affirme qu'aujourd'hui, aucun éditeur n'accepterait de publier un manuscrit de Claude Simon, l'un des auteurs phares du nouveau roman. Le second le prend au mot et veut vérifier. Il envoie alors une cinquantaine de pages de l'un des romans de l'écrivain français, prix Nobel de littérature en 1985, à 19 éditeurs parisiens plus ou moins connus. Eh bien, sur les 19, 7 n'ont pas répondu et 12 ont refusé le manuscrit. Mais quel était donc le goût du nouveau roman? Qu'a-t-il changé? Qu'a-t-il apporté? Qu'a-t-il dit de son époque et de la littérature? Pourquoi a-t-il provoqué une telle bataille d'idées? Comment définir ce qui n'est ni une école, encore moins une institution, et même difficilement un mouvement? Pour répondre à ces questions, le temps d'un récit, nous nous arrêterons sur une photo, l'une des plus célèbres de la littérature française, prise en 1959, où l'on retrouve la plupart des protagonistes du nouveau roman. Quoi de mieux, finalement, qu'une image pour raconter celle qu'on appela un temps l'école du regard? En seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur cette histoire avec Emmanuelle Lambert, écrivaine. Elle a écrit sur Alain Robbe-Grillet, l'une des figures du nouveau roman. Elle vient par ailleurs de publier son dernier roman, intitulé La désertion, aux éditions Stock. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacoboviez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. octobre 1959, c'est la fin de matinée au 7 rue Bernard Palissy, dans le 6e arrondissement de Paris. Ils sont 9, 8 hommes, une femme, ce jour-là, sur le trottoir, au pied de la devanture des éditions Minuit. Le premier d'entre eux est un Italien de 31 ans. Il s'appelle Mario Dondero et il est photographe de presse. Quelques jours plus tôt, il a reçu une commande du mensuel culturel transalpin L'Illustrazione Italiana. Le magazine lui a demandé un cliché pour illustrer un article consacré à un curieux phénomène dont on parle depuis quelque temps déjà en France et à l'étranger, le nouveau roman. Mario Dondero réfléchit et se dit qu'une photo devant la maison d'où est partie cette étrange appellation reste l'idée la plus simple, du moins la plus efficace. Alors il appelle le chef de file du mouvement, interlocuteur privilégié, le patron des dites éditions, Jérôme Lindon. Séduit, ce dernier accepte. Mario Dondero établit donc une liste des écrivains qu'il souhaiterait regrouper pour la photo. Bien, Jérôme Lindon fait en sorte qu'il soit au rendez-vous. Et ce 16 octobre 1959, au 7 rue Bernard Palissy, ils sont tous là. Enfin, presque tous. Il en manque un. Connu pour ses retards perpétuels, toujours en voyage aux quatre coins du monde, c'est déjà une chance qu'il soit à Paris. Reste qu'il décide de ne pas trahir sa légende, et il se fait donc attendre. Alors, le temps s'écoule et Mario Dondero s'inquiète. Et puis, il voit les autres s'impatienter. Déjà qu'ils ne savent pas très bien pourquoi ils sont là, si ce n'est d'avoir répondu à un appel qu'on refuse difficilement quand on est écrivain, un appel de son éditeur. Alors, pour combler, Mario Dondero commence à photographier. Là, un cliché de deux d'entre eux en train de discuter, ici une conversation entre trois autres. Voyant que le retardataire ne vient toujours pas, Mario Dondero décide d'assurer ses arrières. Il faut faire une photo du groupe tel qu'il est, presque au complet. Il demande aux 8 protagonistes, modèles d'un jour, de se mettre les uns à côté des autres en rang serré face à l'objectif dos à la vitrine des éditions de Minuit. Une prise. Le photographe italien n'est pas satisfait, ça fait un peu trop équipe de foot, hein, ces 8 personnages en rang d'oignon. Alors, il leur demande de s'éparpiller naturellement, d'oublier l'objectif, de s'écarter ou de se rapprocher les uns des autres. C'est la deuxième prise. « ce qui saute aux yeux quand on regarde cette photo, ce que vous ne voyez pas à la radio, donc je la décris, photo prise le 16 octobre 1959, c'est qu'on dirait une bande. Oui, de celle qui prépare un coup. Le cadre est serré, chacun regarde un peu ses pieds, un peu ailleurs, un peu dans le vide. Tous en suspension entre l'attente et l'action, juste après l'élaboration du plan, juste avant son exécution. Marie Vandero ne le sait pas encore, mais ce jour-là, elle vient de réaliser une photo qui est sans doute la véritable et unique définition de cette aventure littéraire. Qui sont donc les membres de cette bande? Quel est ce coup qu'ils donnent l'impression de préparer? Que raconte cette image? Que dit-elle cette légende qui, quelques jours plus tard, accompagnera le cliché en dessous du cadre, puis bientôt dépassera les frontières et qu'on appellera le nouveau roman? Le gros problème pour un éditeur, contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas de découvrir des écrivains, c'est que les écrivains vous découvrent. Et le nouveau roman est arrivé, il y avait là un regroupement qui s'est fait sous une couverture commune, ce qui a peut-être facilité la reconnaissance extérieure, et avec une adhésion plus ou moins spontanée de la plupart des auteurs en question. Sur la photo, il est le quatrième en partant de la gauche. C'est le plus grand, il donne l'impression de sortir de la maison qu'il dirige, sorte de cache où la petite équipe vient d'élaborer son stratagème, les éditions de minuit. Il est de trois quarts, le regard porté vers la rue comme s'il attendait le dernier membre, le retardataire qui empêche que la famille soit au complet. Mais qu'est-ce qui réunit nos huit personnages sur ce cliché? L'âge? Non. L'aîné est né en 1900, le plus jeune en 1922. La nationalité, non plus. Si la plupart sont français, on trouve aussi un Irlandais et un Suisse. Alors, une activité, oui, on se rapproche, mais c'est encore insuffisant. On trouve surtout des romanciers, mais certains sont plutôt connus pour leurs pièces de théâtre ou leur poésie, non. Décidément, ce qui semble unir nos huit personnages, c'est bien cet homme maître des lieux, Jérôme Lindon, patron des éditions de minuit. En 1946, que Lindon entre dans la maison à l'étoile bleue, créée quelques années plus tôt en pleine occupation sous le patronage de Vercors, nom de résistant de l'écrivain Jean Brûleur, et qui édite clandestinement des écrivains résistants contournant la censure vichyste. Au sortir de la guerre, les éditions de minuit se retrouvent dans une situation économique difficile, et Jérôme Lindon en prend la direction, solidement attaché à une certaine idée de la littérature, exigeante, moderne. Malgré les difficultés, il veut résister à la facilité et souhaite publier des auteurs singuliers, originaux. Et comme souvent, c'est une rencontre qui change la donne. Je suis dans la chambre de ma mère. C'est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Dans une ambulance, peut-être. Un véhicule quelconque, certainement. On m'a aidé. Seul, je ne serais pas arrivé. Cet homme qui vient chaque semaine, c'est grâce à lui, peut-être, que je suis ici. Il dit que non. Molloy a été, et ce déclencheur, tout à coup, je me suis dit deux choses. D'une part, que c'était évident que c'était une grande œuvre, dès la première seconde, dès la première phrase, dès la première ligne, je suis dans la chambre de ma mère, c'est moi qui y vis maintenant, etc. Et deuxième impression, correspondant à la première, enfin immédiate aussi, c'est comment se fait-il que c'est un écrivain aussi évident que celui-ci, et puis passer à travers tous les cribles de l'édition française. J'ai su après qu'il y avait eu 27 éditeurs qui avaient eu les œuvres de Beckett et qu'aucun ne les avait retenues. Et donc, effectivement, j'ai eu peut-être à partir de là le sentiment, un, que je pouvais être éditeur, et deuxièmement, que même ça pouvait avoir un intérêt que je le sois, puisque je comblais en quelque sorte un certain vide. Et sur la photo, il est là. Troisième en partant de la droite. Les mains dans les poches, la nonchalance distinguée, le visage émacié, le regard porté vers l'un de ses partenaires qui allume une cigarette. Cette présence est à la fois la plus étonnante et la plus évidente. Samuel Beckett. C'est un homme mystérieux. Il existe peu de photos de lui, car il refuse aussi toutes les interviews. C'est son éditeur, Jérôme Lindon, qui s'occupe de promouvoir ses œuvres. Ce 16 octobre 1959, il réussit à le convaincre de se joindre aux autres pour la séance de Mario Dondero. Après les années d'errance, l'écriture de l'absurde et l'humour noir de Samuel Beckett trouvent enfin chez Minuit avec Jérôme Lindon, l'éditeur. En 1951, son premier roman, Molloy, est publié. C'est le début d'une idylle qui va se poursuivre avec la publication des pièces de théâtre de Samuel Beckett, notamment celle qui le rendra célèbre En attendant Godot. C'était en 1952. Mais pourquoi celui qui est plutôt connu pour son théâtre, d'origine irlandaise, se retrouve-t-il sur cette photo censée représenter le nouveau roman, phénomène littéraire français dont on parle depuis quelques mois? Répondre à cette question, c'est insister sur le rôle déterminant de Jérôme Lindon et des éditions de Minuit comme dénominateur commun de ce mouvement en train de s'écrire. Mais de quoi s'agit-il en réalité? Comment est née cette expression et que traduit-elle? Pour le comprendre, il faut regarder de plus près la photo de Mario Dandero. Je n'ai jamais prétendu tracer les limites strictes d'un art que j'annonce justement comme en perpétuelle évolution. Mais il m'a semblé cependant qu'un certain nombre d'écrivains actuels pouvaient se grouper autour de recherches communes. Et la preuve que c'est vrai, c'est que ce groupement s'est effectué et que la réunion de ces esprits, souvent très différents, a donné naissance entre nous à des débats qui nous ont éclairés, chacun de nous, sur notre direction propre. Nous ne disions pas la même chose, mais nous parlions la même langue. Derrière la moustache se dessine un sourire, sourire en coin de celui qui sait qu'il a réussi son coup. Dans une bande, derrière le chef, il faut toujours un lieutenant. Pour l'opération Nouveau Roman, ce 16 octobre 1959, il se trouve à l'extrême gauche de la photo, ce lieutenant. Il a 37 ans et il s'appelle Alain Robbe-Grillet. Ancien ingénieur agronome, il est entré en littérature quelques années plus tôt avec un livre, Les Gommes, qui paraît en 1953 aux éditions Minuit. Mais c'est avec son deuxième roman que l'histoire commence vraiment. En 1955, Alain Robbe-Grillet publie Le Voyeur. Georges Bataille, Maurice Blanchot et Jean Paulhan, membres du jury du prix des critiques, font en sorte que le jeune auteur obtienne la récompense, succédant à une autre jeune romancière, Françoise Sagan, et son Bonjour Tristesse. Comme l'année précédente, cette décision provoque un tollé parmi les membres du jury. Démission, manifestation publique de désapprobation et enfin un article d'Émile Henriot, académicien et surtout célèbre chroniqueur littéraire pour le quotidien Le Monde, qui explique ni plus ni moins que le roman d'Alain Robbe-Grillet mérite de passer en correctionnel et que son auteur devrait être hospitalisé à Sainte-Anne. Entre Alain Robbe-Grillet et Émile Henriot, le duel à distance éclate au grand jour. Le premier, encouragé par Roland Barthes, Albert Camus ou encore André Breton, se fait un nom dans le pari littéraire. Le magazine Express lui ouvre ses pages dans la foulée de son prix pour une série d'articles intitulés « La littérature d'aujourd'hui ». Pendant un an, de 1955 à 1956, Alain Robbe-Grillet pose les jalons théoriques d'un genre romanesque à renouveler. Écoutons-le expliquer les grandes lignes de cette relecture. Un roman au XIXe siècle était basé principalement sur la notion de personnage et d'intrigue. Ce n'est pas les supprimer que nous voudrions. Il est évident que nos romans continueront de mettre en scène des hommes et des situations. Mais notre but ne sera plus de raconter une histoire, ni de camper un héros. Un héros avec ses attributs classiques, un nom, un visage, un caractère, une profession, une famille, etc. Nous ne voulons pas supprimer ces hommes et leurs aventures, mais nous voulons mettre l'éclairage sur autre chose, par exemple sur le monde matériel qui nous entoure et qui forme le tissu réel de notre vie. Prenez par exemple l'amour ou la peur ou la jalousie ou n'importe quoi. À mon avis, nous en avons une approche plus décisive par la description matérielle que par l'analyse. La peur que je peux éprouver en voyant une ombre qui s'avance dans la nuit s'identifie complètement avec la forme et la vitesse de cette ombre. Les objets, si vous voulez, ce sont les pièces à conviction de notre vie. Voilà, il ne manque plus qu'une appellation pour que le coup soit parfaitement réussi, pour que derrière ce bruissement qui naît dans le monde littéraire, le slogan devienne phénomène. Alors, on retrouve nos deux adversaires, Alain Robbe-Grillet et Émile Henriot. Et pour que le tableau soit complet, il faut ajouter la seule femme présente, ce 16 octobre 1959, sur la photo. Cette femme, c'est le deuxième personnage en partant de la droite. Un peu plus âgée que les autres, elle a 59 ans. Elle s'appelle Nathalie Sarraute. engoncé dans son long veston, les pieds croisés qui lui donnent l'air d'être suspendu à un fil, c'est depuis peu qu'elle a intégré les éditions de Minuit. Deux ans plus tôt, en 1957, Jérôme Lindon lui a proposé de rééditer un livre passé inaperçu au moment de sa sortie, juste avant la guerre, « Tropisme ». À travers cette série de textes courts, Nathalie Sarraute essaie de saisir, par la littérature, les sentiments fugaces, bref, intenses, qui nous assaillent tous dans certaines situations, comme elle l'explique. Bien, j'ai été frappée depuis ma petite enfance par une espèce de séparation, et ça, je veux certainement, c'est resté dans ce que j'écris, enfin, c'est à la base de ce que j'écris, entre ce que disent les gens et ce qui existe dans la réalité. J'ai découvert assez tôt qu'il y avait une sorte d'écran, une sorte d'apparence, et que cette apparence n'exprimait pas toujours la réalité qui était par derrière. Ça me paraissait inquiétant. Il me semblait à ce moment-là qu'on ne pouvait pas écrire de roman, que les personnages et les intrigues ne présentaient aucun intérêt, et qu'il fallait absolument, pour avoir envie d'écrire, il me fallait trouver une matière qui était neuve. Pas entièrement neuve, mais enfin qui allait dans une certaine direction, qui n'avait pas été exactement encore exprimée et vue de cette manière-là. Et tant comme je ne trouvais rien, alors je n'écrivais pas. J'ai fait du droit, j'ai essayé de faire autre chose, et je ne trouvais toujours pas ça jusqu'au moment où j'ai commencé à écrire les tropismes, à l'âge de 31 ans déjà. Et alors j'ai écrit les tropismes comme ça, dans un moment d'émotion. J'en écris un, puis un autre, et à ce moment-là, il me semblait que c'était la seule chose qu'on pouvait écrire. On leur avait toujours dit. Cela, elle l'avait bien toujours entendu dire. Elle le savait. Les sentiments, l'amour, la vie, c'était là leur domaine. Ils leur appartenaient. Et elle parlait toujours, répétant les mêmes choses, les retournant, puis les retournant encore, d'un côté, puis de l'autre, les pétrissant, roulant sans cesse entre leurs doigts cette matière ingrate et pauvre qu'elles avaient extraite de leur vie, ce qu'elles appelaient la vie, leur domaine. La pétrissant, l'étirant, la roulant, jusqu'à ce qu'elle ne forme plus entre leurs doigts qu'un petit tas, une petite boulette grise. Publié coup sur coup, La jalousie d'Alain Robbe-Grillet et Tropisme de Nathalie Sarraute donne du grain à moudre à l'ineffable Émile Henriot, le chroniqueur du Monde, qui en fait une critique commune dans les pages du quotidien le 22 mai 1957. Il titre son papier très sobrement « La vie littéraire, la jalousie d'Alain Robbe-Grillet, Tropisme de Nathalie Sarraute, le nouveau roman ». 15 ans après la Seconde Guerre mondiale, il souffle en effet en France un vent nouveau, car tout est nouveau. La nouvelle vague au cinéma, la nouvelle société en politique. Alors, pourquoi la littérature échapperait-elle à cette course à la modernité? Mais avec son deuxième roman, Robbe-Grillet ne séduit toujours pas Émile Henriot. C'est donc dans un sens péjoratif que l'expression « nouveau roman » s'impose dans le champ médiatique. Robbe-Grillet estime que le temps est fini du roman à l'ancienne mode. Le roman à base de psychologie, dont ont usé diversement Madame de Lafayette, Balzac et Stendhal ou Flaubert, parce que la psychologie est artificielle et subjective aux psychologues. Si c'est cet imaginaire que M. Robbe-Grillet répudie, c'est qu'il n'aime pas la littérature des autres. Mais alors pourquoi écrit-il lui-même des romans, c'est-à-dire des ouvrages imaginaires à travers lesquels il prétend donner au lecteur consentant sa propre vue des êtres et de l'univers, ou du moins de mettre son lecteur en état de voir immanquablement les gens et les choses comme il les voit, lui, Robbe-Grillet. Taquin, Alain Robbe-Grillet récupère l'expression au vol et la fait sienne pour caractériser un ensemble d'auteurs qui ont pour point commun, notamment, de publier leurs romans aux éditions de Minuit, où, entre-temps, Alain Robbe-Grillet est devenu lecteur. Au-delà d'appartenir à la même maison, ces romanciers, bien qu'ils aient des styles et des intérêts, voire des thèmes différents, se retrouvent autour d'une volonté commune, rompre avec une certaine littérature. Le nouveau roman s'impose d'emblée non comme un mouvement coordonné, regroupé derrière un manifeste, mais plutôt comme une geste de refus. Refus des conventions romanesques balzaciennes, par exemple. Deuxième, en partant de la gauche, sur la photo prise le 16 octobre 1959, le romancier Claude Simon explique ce qu'il lit ses différents auteurs. Il n'y a pas, à proprement dire, d'école, n'est-ce pas? Nous pouvons nous définir beaucoup plus contre quelque chose que pour. Je vois, quand nous sommes entre nous, nous avons, par exemple, de grandes discussions sur beaucoup de sujets. On a commencé par nous dire, mais en quoi êtes-vous tellement nouveau? Ben, nous avons répondu, mais nous ne prétendons pas être tellement nouveaux. Mais il est certain qu'en France, pour le grand public, on dirait que le roman s'est arrêté à Stendhal, n'est-ce pas, pour le grand public. Ce qui nous rapproche, ce qui nous semble tout de même dépassé, c'est le fait de raconter jusqu'à maintenant une histoire qui n'était jamais, en somme, racontée pour elle-même, pour sa chair, je veux dire, mais pour une signification qu'elle avait, plus ou moins moralisatrice. Ça devait servir le roman jusqu'à maintenant, n'est-ce pas, dans l'esprit du grand public, je crois. L'art est le seul à ne pas se soucier de morale. Même la morale s'édifie sur les décombres de l'art en général. L'art est le seul à ne chercher de fin qu'en lui-même. Deux ans plus tôt, en 1957, lorsque l'expression de nouveau roman apparaît, elle tombe à point nommé. En deux ans, les éditions de Minuit publient coup sur coup La jalousie de Rob Grier et Tropisme de Nathalie Sarraud, donc, mais aussi Fan Party de Samuel Beckett, Le vent de Claude Simon, Toutes les femmes sont fatales de Claude Mauriac, Balade en Robert Pinget qui allume sa cigarette, là, on le voit au centre de la photo, la mise en scène aussi de Claude Ollier, presque en dehors du cadre, sur la droite. Enfin, Moderato Cantabile de Marguerite Duras et La modification de Michel Butor. La première n'a pas été conviée pour la photo. Le second, eh bien, c'est celui qu'on attend depuis tout à l'heure, en ce 16 octobre 1959. En quelques années, une maison d'édition a trouvé sa signature. Des auteurs ont publié leurs premières œuvres, toutes traversées par une même volonté de bousculer les schémas traditionnels de la littérature. Une expression est née, et une photo immortalise cet instantané. Mais une image se donne toujours à voir par ce qui l'entoure. Alors, que dit l'absence de Duras sur le cliché et le retard de Butor? Et que dit ce mouvement qui s'inscrit dans un contexte particulier et qui s'apprête à déclencher une bataille culturelle féroce? Cette lumière, la mousson, dessous le Bengale. Cette poussière là-bas, Calcutta centrale. Cette rumeur, le Gange. Où est-on? L'ambassade de France aux Indes. Il y a comme une odeur de fleurs, la lèpre. Cette couleur verte, elle grandit. L'océan Indien. Ces jonques, le riz. Elles vont vers le Grand Mandel. Sur les talus, ces taches sombres. Les gens. La densité la plus élevée du monde. Ces miroirs noirs. La rizière indienne. Ces lueurs là-bas. On brûle les morts de la faim. Oui. Le jour vient. Cet amour. L'amour. On danse à l'autre bout du hall. Les touristes de Ceylan. Qu'elle est blanche. Qu'elles sont blanches les femmes de Calcutta. Pendant six mois ne sortent qu'avec le soir. Fuit le soleil. Morte là-bas. Aux îles. Trouvée morte. Une nuit. Ce mot. Désir. Celle qui vient. Dans cette odeur de fleurs. Une mendiante. Folle. C'est ça. Elle vient de Birmanie. Maigre. La faim. À Calcutta, elles étaient ensemble. Oui. C'était pendant les mêmes années. Mmh. Depuis ce matin, il est deux hommes dans Paris, dont la vie est rythmée par les sonneries de téléphone, ponctuée par les flashs des photographes, le ronronnement des caméras de la télévision ou des actualités cinématographiques. Ces deux hommes, ce sont Roger Vaillant, qui vient d'obtenir le Goncourt pour La Loi, et Michel Buteur, qui a obtenu le Renaudot pour La Modification. Dans la petite maison de l'éditeur de Michel Butor, rue Bernard Palissy, dans le vieux quartier de Paris, tout près de Saint-Germain-des-Prés, sont venus bavarder avec lui quelques instants. Qui êtes-vous, Michel Butor, vous qui avez écrit dans votre livre La Modification, mon personnage éprouvait une sorte de vertige intérieur, et c'est ce qu'on éprouve lorsqu'on lit votre livre. Est-ce que ce vertige a un rapport avec la vie moderne? Oui, bien sûr, ce vertige a un rapport avec la vie moderne. Je crois que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui se transforme avec une rapidité extraordinaire, et bien sûr, tout le monde a beaucoup de mal à s'y retrouver au milieu de toute cette transformation. Moi-même, je dois dire que j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver, et je sens presque douloureusement, disons, cette difficulté. Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre, et de votre épaule droite, vous essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant. Vous vous introduisez par l'étroite ouverture en vous frottant contre ses bords. Puis votre valise couverte de granuleux cuir sombre couleur d'épaisse bouteille, votre valise assez petite d'homme habitué au long voyage, vous l'arrachez par sa poignée collante, avec vos doigts qui se sont échauffés, si peu lourde qu'elle soit de l'avoir portée jusqu'ici, vous la soulevez et vous sentez vos muscles et vos tendons se dessiner non seulement dans vos phalanges, dans votre paume, votre poignet et votre bras, mais dans votre épaule aussi, dans toute la moitié du dos et dans vos vertèbres, depuis votre cou jusqu'aux reins. Lorsque Michel Butor reçoit le prix Renaudot en 1957 pour son livre « La Modification » publié aux éditions de Minuit, il parachève un mouvement latent depuis quelques mois déjà. L'année fut faste pour Jérôme Lindon et sa maison d'édition. 1957, année néo-romanesque. Michel Butor fait coup double avec le prix Fénéon pour l'emploi du temps. Un an plus tard, c'est au tour de Claude Ollier de recevoir le prix Médicis pour la mise en scène. Claude Mauriac l'emporte l'année suivante pour le Dîner en ville. Et en 1960, le troisième Claude, Simon, remporte le prix d'Express pour la Route des Flandres. La valse des prix marque le succès de ce qu'on appelle désormais les nouveaux romanciers et surtout permet aux éditions de Minuit de s'installer dans le paysage de l'édition française. Enjeu de communication certain, derrière ce slogan qu'ils se sont réapproprié, la démarche de Jérôme Lindon et de son lieutenant Alain Robbe-Grillet fait son petit effet. Reste que pour le moment, hormis une vente importante de La Modification de Michel Butor, les autres romans ne s'écoulent qu'à quelques centaines d'exemplaires. Pourquoi alors parle-t-on tant du nouveau roman ? Eh bien tout d'abord parce qu'il est le lieu d'un affrontement culturel et intellectuel. Ses œuvres sont largement critiquées, débattues, analysées au sein des rédactions spécialisées. Le nouveau roman divise la critique. S'il est soutenu dès ses débuts par les plumes de célèbres universitaires comme Roland Barthes ou par la jeune garde de ceux qui composeront bientôt ce qu'on appellera la nouvelle critique comme Philippe Solers du côté de la revue telle quelle, il soulève aussi et principalement un vent d'opposition très fort chez les écrivains de la génération précédente ou des figures intellectuelles et critiques. On peut surtout parler de nouveaux romanciers plutôt que de nouveaux romans, en ce sens que... Maurice Nadeau. Il n'y a pas une école du nouveau roman, mais il y a depuis une quinzaine d'années, en effet, un certain nombre d'écrivains, pour la plupart jeunes, qui ont tenté d'écrire d'une nouvelle façon. Ce sont des expériences de laboratoire qui ne doivent pas voir le jour. Jean Giono. Tout le monde a écrit plus ou moins La Modification. Tout le monde a plus ou moins écrit des trucs de Nathalie Sarotte. Tout le monde a plus ou moins écrit Le Voyeur. Tout le monde. Je me demande pourquoi ils écrivent ces livres-là. Ils les écrivent tout simplement parce qu'ils n'ont rien à dire. Que le nouveau roman fasse son petit boulot dans son coin, qu'il fasse de la recherche, parfait. Hervé Bazin. Mais moi, je suis tout à fait incapable de concevoir un écrivain qui n'agirait pas sur la société d'une façon directe ou indirecte. Qui ne considérerait pas que l'écriture, c'est fait pour inquiéter les gens. Pour inquiéter l'injustice ou l'indifférence ou l'hypocrisie. Or, je trouve que le nouveau roman, c'est parfaitement inoffensif. Je considère que le nouveau roman... Eugène Ionesco. C'est du bricolage littéraire. Je crois que c'est un formalisme Et je crois que c'est une impasse. Ce qu'il y a eu avec le nouveau roman et avec l'existentialisme... Jean d'Ormesson. C'est un côté totalitaire, n'est-ce pas? C'est qu'il n'y avait pas de place pour une autre forme d'art. Dès le départ, le nouveau roman est pris en tenaille. La formule fonctionne à plein. D'un côté, elle est utilisée, brandie et défendue par Jérôme Lindon et Alain Robbe-Grillet parce qu'ils savent qu'elle leur permet de défendre, de faire connaître les éditions de Minuit. Mais il s'agit aussi d'affirmer la nécessaire révolution dont le roman français a besoin. Oui, libérer un espace de création pour des expériences, des tentatives, des affirmations de style et d'auteur qui, ailleurs qu'à Minuit, ne trouveraient pas leur place ni leur ton. Ainsi, à côté de son travail de romancier, Alain Robbe-Grillet s'attelle-t-il à poursuivre les théories du nouveau roman et en constituer, si ce n'est un manifeste, au moins une tentative de regroupement. En même temps, ces mêmes auteurs n'ont pas vraiment envie de se voir enfermés dans une chapelle ou un courant. Alors, à chaque fois, c'est la même question. Vous en êtes ou non? Et à chaque fois, c'est la même réponse. On ne saurait pas trop définir ce qu'est le nouveau roman, reste qu'on se rejoint sur une série de refus, voilà. D'ailleurs, les premières querelles internes au nouveau romancier ne tardent pas à surgir. Dès l'été 1959, quelques mois seulement avant la photo de Mario Dondero, une première passe d'armes éclate entre Alain Robbe-Grillet et Michel Butor. Le second déclare au sujet du premier, dans ce qu'il nous dit, Alain Robbe-Grillet me semble être l'un des seuls survivants d'une école morale et littéraire du 19e siècle fort connue en France, l'école de l'art pour l'art, qui est une école de personnes très très inquiètes, qui ont une peur affreuse à l'idée que si elles s'occupaient un peu d'autre chose que de leur art, eh bien, leur œuvre s'écroulerait. Les deux hommes ne se croiseront pas le 16 octobre 1959 sous l'objectif du photographe Mario Dondero. Alain Robbe-Grillet, sans doute là d'attendre son meilleur ennemi, s'en va avant que le retardataire n'arrive. Mario Dondero saisira quelques clichés de Michel Butor avec ceux qui sont restés. Voilà. Que dire, par ailleurs, de l'absente du jour, Marguerite Duras? Là aussi, son ombre plane au-dessus de cette photo et dit quelque chose du nouveau roman. L'écrivaine s'est toujours défendue d'appartenir à ce mouvement. Cependant, voilà ce qu'elle déclare au moment de la publication de son roman Moderato Cantabile, en 1958. J'ai eu le sentiment, pour la première fois, de travailler, enfin, ma matière de travail, était inconnue. Et que j'ai essayé de donner une forme d'autant plus rigoureuse, si je peux m'exprimer ainsi, à mon livre, que cette matière m'était... plus inconnue. Et c'est celle-là que vous avez voulu approfondir, c'est pourquoi votre livre est centré exclusivement sur, je dirais presque, la partie non romanesque. C'est ça. Que j'ai tenté d'écrire, mais que je ne crois pas qu'il soit descriptible. C'est ça, c'est presque un roman impossible. C'est ça, c'est un roman de l'échec du roman. Elle fit alors ce qu'il n'avait pas pu faire. Elle s'avança vers lui d'assez près, pour que leurs lèvres puissent s'atteindre. Leurs lèvres restèrent l'une sur l'autre, posées, afin que ce fût fait, et suivant le même rite mortuaire que leurs mains, un instant avant, froides et tremblantes. Ce fut fait. Ce roman sera le premier publié par Marguerite Duras, chez Minuit. Elle retournera ensuite un temps chez Gallimard, où elle a déjà publié la plupart de ses œuvres. Alors que dit cette échappée ? Oh, sans doute que, pour engager ce tournant dans son écriture vers un anti-roman, comme elle dit, il était nécessaire qu'elle passe par la couverture à l'étoile bleue, les éditions de Minuit. Car dans ces années-là, c'est du côté de la rue Bernard Palissy que les risques se prennent, les tentatives s'éprouvent, les styles s'affirment. Au-delà des polémiques, c'est sans doute ça, le nouveau roman. Un laboratoire où s'inventent et s'écrivent les grandes lignes du roman d'aujourd'hui et de demain. C'est d'ailleurs sur ce point que le vent des critiques se cristallise. Le nouveau roman ne serait qu'une littérature universitaire. Alors, on s'agace en France de voir le succès qu'il rencontre à l'étranger, notamment aux États-Unis. On s'irrite de le voir s'inscrire si rapidement dans les programmes scolaires. On dénonce le totalitarisme littéraire orchestré par la bande de Minuit qui voudrait faire croire qu'il n'existe plus que cette littérature. On attaque enfin le détachement de ces auteurs hors sol qui proposent un roman détaché, donc, du monde, de ses enjeux politiques et sociaux. Autre absent remarqué sur le cliché du 16 octobre 1959, Jean Ricardou. À partir du milieu des années 60, le romancier commence à écrire la théorie du nouveau roman. Et il repousse encore plus loin les concepts posés par Alain Robbe-Grillet. C'est lui qui organisera, quelques années plus tard, les rencontres de Cerise et Lassalle, consacrées justement au nouveau roman « Rendez-vous annuel des adeptes ». Et puis, à partir du milieu des années 70, le nouveau roman, l'expression comme le phénomène, disparaît peu à peu. Chacun de ses auteurs continue le chemin de son œuvre. Certains quitteront un temps la littérature pour le cinéma, d'autres abandonneront le roman pour d'autres genres. De cette histoire, il restera essentiellement cette photo prise un matin d'octobre 1959 qui fait sans doute office de manifeste le plus sûr. C'est vrai que c'est moi que je pensais à cette photo de classe, c'est vrai comme ça. Et donc, on a fait avec une facilité extraordinaire, très cordialement. Peut-être parce que j'étais pas très envahissant. Je dis, placez-vous comme vous voulez. Et eux, ils étaient très embarrassés d'ailleurs parce que je les ai pas traités comme des statues, mais je les ai laissés se poser comme ils voulaient dans l'image. Il s'agit en réalité non pas d'une image, mais d'une série d'images. Séparées, elles disent un instant. Juxtaposées, elles décrivent un moment. Racontées, elles déroulent une histoire. Instant, moment, histoire, autant de mots que n'auraient sans doute pas renié ceux qui, le temps d'une entrée en scène groupée, orchestrée avec brio, ont bousculé la littérature française et posé leur empreinte, leurs mots, sur ce monde vaste et nécessaire, le rayonnage de nos bibliothèques. Je t'écris. C'est moi. Il est tôt encore. J'ai rêvé si fort. Le papier sous mes doigts est dur comme ton corps. Je sais, j'ai tort. J'hallucine. Ton nom et ton adresse est sur le côté. Cette image, je la trouve jolie. Peut-être un peu sage, à vrai dire, sans rougir. Je n'ai rien à te dire. Je veux juste t'écrire. Je dessinais. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le nouveau roman, notre invité Emmanuel Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit sur Alain Robbe-Grillet, vous êtes l'un des auteurs du nouveau roman, enfin, pardon, l'une des figures du nouveau roman, et vous venez par ailleurs de publier votre dernier roman, La Désertion, aux éditions Stock, et peut-être aussi d'ailleurs du nouveau roman, on pourra en reparler. Alors dites-moi, j'ai tenté pendant à peu près 40 minutes de définir ce qu'est le nouveau roman, avec peut-être un objectif, c'est de ne pas y arriver, justement, parce que c'est tellement complexe que je voudrais plutôt m'appuyer sur votre expertise. Pour vous, qu'est-ce que le nouveau roman, quelle définition vous en donnez? Alors, plutôt qu'une expertise, je vais plutôt donner un témoignage, qui serait à la fois un témoignage de lectrice d'abord, et puis aussi le témoignage de quelqu'un qui a eu la chance de fréquenter quelques-uns des protagonistes de cette histoire. Et notamment Robbe-Grillet. Et particulièrement Robbe-Grillet. Et particulièrement. Ouais. Voilà. Disons que là où c'est un bel hommage que de ne pas le définir, c'est que je crois que ce qu'on peut mettre en commun à tous ces écrivains qui sont si différents les uns des autres, c'est justement leur refus de la fixité. Voilà, ce sont des écrivains pour qui il est insupportable d'être immobilisé dans une idée trop nette des choses. Donc, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, exactement. Mais c'est très important. Y compris dans leur expression à la fois littéraire et classique lorsqu'ils s'expriment. Bien sûr, c'est très important parce que c'est une éthique d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a une forme de trahison à s'exprimer de manière parfaitement entendue, c'est-à-dire de manière complètement immédiatement reconnaissable par le lecteur qui va se dire « Ah oui, je vois très bien de quoi on parle. Ça, je l'ai déjà entendu 1000 fois, pas de problème. » Ce n'est pas honnête quand ce qu'on a face à soi, on trouve que c'est très compliqué, très problématique et très difficile à appréhender. Et ça, c'est la définition tout simplement du réel. C'est-à-dire, le réel est quelque chose qui nous oppose sans cesse des tas d'obstacles. Les nouveaux romanciers s'en emparent et leur éthique, c'est de faire en sorte que leur écriture suive ce chemin. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est nécessairement difficile, leur écriture. Ça, c'est un lieu commun contre lequel j'aimerais m'insurger. Il faut accepter de se laisser porter par elle. Il faut accepter parfois de ne pas tout comprendre au premier coup. Voilà. Une fois qu'on a accepté ça, une fois qu'on est sorti des catégories traditionnelles où on a l'impression qu'on doit être informé par le roman, éduqué par le roman, une fois qu'on est sorti de ça, qu'on se laisse porter, alors là, ça va. Ça veut dire que autant ces écrivains avaient eu de l'audace d'écrire ça, il faut en tant que lecteur avoir l'audace d'y aller. Absolument. Ça c'est une chose. Vous parliez de Jérôme Lindon dans votre introduction. C'est la photo de Mario Dondero. Elle a quelque chose de très émouvant. C'est qu'effectivement c'est un groupe d'écrivains, mais il y a l'éditeur sur la photo. Eh oui. Voilà. Mais c'est le chef de bande. Et voilà. Et c'est le grand créateur aussi. Et il faut rendre gloire à Jérôme Lindon et à Alain Robbe-Grillet de s'être attelé à cette entreprise très difficile tous les deux. Et alors, Robbe-Grillet, quand il rendait hommage à Lindon, il citait un éditeur plus âgé, qui est un éditeur allemand, qui s'appelait Fischer. Et Fischer disait, le métier d'éditeur, c'est de publier des livres dont le public ne veut pas. C'est de l'offre. Oui. C'est la stratégie de l'offre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que non seulement il y a le projet de faire une littérature nouvelle, c'est-à-dire jamais lue, jamais proposée auparavant, mais il y a l'idée de changer le lecteur. Si le public n'en veut pas, c'est que ce public n'existe pas encore. Et pour les nouveaux romanciers, le rôle de l'art, c'est non seulement de créer des formes nouvelles, mais créant des formes nouvelles, c'est de créer un public nouveau et un lecteur nouveau. C'est de le transformer. C'est de lui dire, bon, peut-être que apparemment ça t'intéresse pas, mais viens, ça vaut le détour, peut-être que tu vas aimer. C'est ça en fait. C'est aller chercher la curiosité et la capacité des uns et des autres à être curieux, à aller au-delà de ses repères. C'est-à-dire qu'on est tous plongés dans le même bain, si j'ose dire. Donc, a priori, cette question du réel nous concerne tous. Ouais. Si on ne s'y penche pas, c'est qu'on a été conditionné à ne pas le faire. Mais si on se dépouille de nos réflexes, on peut se laisser embarquer. Voilà. Alors, moi, ça me rappelle ce débat un peu de la nouvelle vague au cinéma. C'est-à-dire que les cinéastes dits du cinéma de papa, par rapport à la nouvelle vague, ça surgit. Et là, on a entendu Ionesco qui dit, à propos du nouveau roman, « Bricolage ». Impasse, et surtout, alors moi ce qui m'a frappé, parce que là c'est dur, formalisme. Formalisme c'est pas nécessairement négatif. Il n'était pas, pas nécessairement positif. Manifestement, lui, ça ne lui plaît pas. Mais c'est pas nécessairement négatif. Dans votre introduction, à un moment, je sais plus si c'est Robbe-Grillet ou Claude Simon qui parle, je crois que c'est Robbe-Grillet qui dit qu'il regarde le tissu du réel. À un moment, il parle de tissu. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de familles de rapprochements à faire entre l'activité de la tapisserie et l'écriture. Hein. On croise des choses, on tire des fils. Enfin bon, ça c'est des métaphores assez courantes. Mais je dirais que pour le nouveau roman, on nous présente le tissu, mais on nous montre les coutures. Le formalisme est intéressant aussi parce qu'il mène le lecteur à sortir de ses habitudes et à se voir... offrir des structures, des appréhensions du monde auxquelles il pensait pas. Et s'il n'y a pas le formalisme, évidemment, on n'a pas la structure. Et si on a la structure, on peut être amené à voir les choses différemment. Donc moi, personnellement, je trouve que le mot de formalisme n'est pas péjoratif. Certainement. Là, il me semblait qu'il n'était pas vraiment positif, mais, oui, mais... parce que c'était quand même dans ce que disait Ionesco, il y avait plus qu'une méfiance par rapport à ce nouveau roman. L'influence des romanciers étrangers était importante sur ce travail-là? Elle était très importante. L'influence de Kafka a été très importante, de Joyce, de Faulkner, évidemment. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que vous avez diffusé une interview de Jean Giono qui est très très critique. Or, Giono a lui-même été très influencé par Faulkner et il y a certains de ses romans, je pense notamment à Un roi sans divertissement, qui ne dépareillerait pas hein, dans l'esthétique du nouveau roman. Donc il y a aussi une question de période, il y a aussi une question d'époque. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le nouveau roman de son époque? C'est-à-dire fin des années 50, mais alors ça va déborder évidemment sur les années 60, mais la période de référence c'est plutôt la fin des années 50. Qu'est-ce que ça nous dit? C'était une France qui a besoin de nouveau, de renouveau, justement. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut lire les livres en essayant de chercher ce qu'ils disent de leur époque, les livres. Ouais. Après, on peut s'interroger sur le mouvement lui-même, sur cette fameuse photo dont vous parliez, et sur ce que ces écrivains qui n'avaient pas grand-chose en commun, finalement, ont accepté d'avoir en commun. Ils ont accepté de se laisser faire d'une certaine manière par la stratégie patrimoniale de Lindon et Monsieur de Robbe-Grillet. Bah oui. Ah ben oui. Et il y a quand même, alors, il y a cette évidence, mais qu'il faut quand même mentionner, qui est que tout ça, c'est après-guerre, quoi. C'est après la Seconde Guerre mondiale, qui est donc ce moment où on découvre que ce qui avait les apparences de la rationalité a donné la plus grande monstruosité qu'on pouvait même pas imaginer, hein, qui a été la Shoah. Donc évidemment, on se met à regarder le monde d'un œil un peu douteux quand même. Hein. D'un seul coup, les choses nous apparaissent un petit peu inquiétantes. Et la chose qui lie vraiment ces gens entre eux, je dirais qu'il y en a deux. Il y a que c'est une littérature du doute. Voilà. Là, on se met à douter vraiment singulièrement de tout ce qui nous entoure. Et ensuite, c'est une littérature du livre, c'est-à-dire que ce doute, il apparaît dans la manière dont on écrit. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas quelque chose dont on va discuter entre nous comme on le fait là, vous et moi. Ouais. C'est quelque chose qui va apparaître à l'intérieur du livre. C'est quelque chose que le lecteur va éprouver en le lisant. Alors, écoutez, on va faire une expérience. Oh, c'est pas une expérience, mais je vais vous demander cette fois de lire. Tiens, à vous. Pour tout, moi, je l'ai fait pendant 40 minutes, mais à vous de le faire maintenant. Je tiens dans les mains un livre célébrissime, Les derniers jours de Corinthe, d'Alain Robbe-Grillet, trilogie romanesque. Et c'est peut-être en lisant un passage qu'on va mieux s'imprégner de ce que sont les mots du nouveau roman et ce qu'est son esprit. Alors oui, c'est un passage justement où Robbe-Grillet revient sur l'année que vous avez longuement évoquée, qui est l'année 57. Oui, 57. Qui est la grande année du nouveau roman. Le nouveau roman était né. Avec le succès public de la modification, le bruit que faisaient dans les cercles parisiens mes petits articles théoriques de la NRF, un article du Monde où le bon Émile Henriot descendait en flammes conjointement ma jalousie et tropisme de Sarraute, reparu en même temps chez Minuit, l'idée commençait à se répandre qu'un groupe organisé d'agitateurs terroristes sortait soudain de son maquis pour dynamiter la République des Lettres. C'était là, malheureusement, une crainte excessive. Le groupe n'a jamais été organisé, loin s'en faut, et la prétendue terreur n'a guère empêché le vieux ronron de se poursuivre. Quelque chose, cependant, avait vu le jour. Ce que Sarraute appelait le soupçon, une onde d'inquiétude, d'excitation, de courage, où les esprits ouverts sentaient frémir le vent de la liberté. J'avais rencontré Nathalie Sarraute au printemps de cette année-là, dans un colloque sur la jeune littérature française. La discussion de vive voix avec cet auteur ouvertement révolutionnaire, son intelligence acérée, son humour, m'ont aussitôt convaincu que nous devions faire alliance et que le nouveau roman serait donc multipiste. Sarraute était dans la lignée de Proust, comme j'étais dans celle de Kafka, Butor de Joyce, Simon de Faulkner. Je détestais tout dogme figé, toute uniformisation des règles, toute vérité unique et stable, le pluralisme serait le gage de notre union. Dans ce train, Nathalie m'a dit en souriant, devant tant de divergences acceptées, « En somme, il s'agirait surtout d'une association de malfaiteurs. » Alors, parlez-moi de Robrié, celui que vous connaissez le mieux. Quelle trace il laisse aujourd'hui dans la littérature française? Quelle place il occupe? Quel écrivain? Deux, trois mots sur lui. Alors, Rob Grillet a une solide réputation d'ennui, qui est parfaitement injuste, parce que c'était quelqu'un de très drôle, de très féroce et de très drôle, de la dent dure. Que certains de ses livres sont extrêmement drôles, mais c'est effectivement pas les trois premiers grands livres qui l'ont fait rentrer dans l'histoire littéraire, c'est-à-dire Les Gommes, Le Voyeur, La Jalousie, sont des livres qui ne brillent pas par leur humour. Mais par la suite, il a développé une veine beaucoup plus drôle. Cette liberté-là, qui est d'investir des nouvelles formes, de pas rester figé dans ce qu'il a fait connaître, c'est, je dirais, la chose que tous les nouveaux romanciers ont en commun. Et notamment Michel Butor, qui est quelqu'un qui a été d'une inventivité absolument extraordinaire, hein, qui fait école tout, encore, c'est évident. Qui fait école. Alors après, est-ce que le mot d'école est un mot juste justement pour des gens qui tenaient farouchement à leur liberté? Oh, écoutez, on peut quand même. Oui, le mot d'école, je suis pas sûre que ça leur aurait beaucoup plu. Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que je crois vraiment que on ne peut pas nier que ça a existé et qu'on a tous été façonnés par ça. Bien sûr. En tout cas chez les écrivains d'aujourd'hui, par ces lectures-là. Et il y a eu notamment les générations d'après aux éditions de Minuit, hein, qui ont été très très influencées, bien sûr. Je pense à des gens comme Jean Echenoz, comme Jean-Philippe Toussaint, mais aussi comme Marine Diaille, mais aussi comme Éric Chevillard. Tout ça, toute cette génération Minuit continue. Et puis il y a eu une des grandes leçons peut-être de Rob Grillet, ça a été que quand on fait des choses exigeantes, ou du moins auxquelles les gens ne sont pas encore habitués, il est préférable d'être en groupe. Le groupe aide, oui, parce que les auteurs aussi isolés sont plus faibles. Et alors, il y a une génération qui a bien retenu aussi cette leçon-là, je dirais, c'est celle des auteurs de la revue Inculte. Mathias Sénat, Maïlys de Kerangal, Arnaud Bertina. Ce sont des gens qui se sont fédérés dans un groupe. Leurs écritures sont très différentes, mais ils ont ce même rapport de doute face au réel, de littérature intranquille. Le cas de Marguerite Duras, un pied dedans, un pied dehors. Oui. On peut dire ça comme ça? Oui, je crois que c'est le cas d'à peu près tous. Vous savez, il y a eu beaucoup de consanguinité entre Gallimard et Minuit. Mais il y a quand même une chose qui réunit tout le monde, je pense. Et ça, c'était, je crois que c'est Christian Auster qui disait ça au moment de la mort de Lindon. Lindon avait dit, d'une certaine manière, le vrai fondateur des éditions de Minuit, c'est Samuel Beckett. Ah, c'était l'étincelle, Beckett. C'est ce qu'il dit, il s'est révélé comme éditeur quand il a édité Beckett. Ouais. Et Beckett, n'oublions pas que tout le monde l'avait refusé. Personne n'en voulait. Donc, dit comme ça aujourd'hui, c'est... Ça paraît incroyable. Oui. Et tous ces écrivains-là, tous ceux qui publient aujourd'hui chez Minuit, je crois qu'on n'en trouvera pas un. Pour vous dire que Beckett ne fait pas partie des plus grandes influences qu'ils aient lues. Ce sera le mot de la fin, mais pas tout à fait. Je vais vous demander, si vous voulez bien, de lire un passage de votre livre qui s'appelle « La désertion », où on entend les bruits peut-être, les échos du nouveau roman. Disposez d'une minute. C'est court, une minute. Hein, donc on s'arrête au moment où une minute arrive. D'accord ? C'est parti. Allez. La pierre du bâtiment a vécu. Sa teinte grise fonce par endroits, gagnée par les vapeurs d'une fumée très ancienne, remontée depuis son édification. Il aura enfermé les fous, les pauvres, les épileptiques, les détenus, les condamnés à mort, les galériens enchaînés au cou deux par deux pour leur déportation au bagne de Brest, Rochefort ou Toulon, avant d'être remplacé par une nouvelle prison dans Paris même. Sur trois niveaux horizontaux, ils portent les lignes de trois fenêtres à croiser. Leurs petits rectangles sont répartis pour chaque fenêtre dans quatre colonnes, en deux masses du bas vers le haut. Ainsi, le bâtiment sombre, luit-il, d'éclat transparent. Au troisième étage, on peut maintenant apercevoir, à travers le carreau d'une fenêtre d'angle, le visage d'une femme. Elle est vêtue d'une tenue parme, à son oreille, la lueur d'une perle blanche. Quelqu'un s'approche pour lui parler, auquel elle ne répond pas. Elle regarde le jardin où les arbres, arbustes et allées sont alignés aux meux. Un banc isolé fait face à l'aile droite du bâtiment. La peinture en est écaillée et à ses pieds, des herbes folles ont poussé, que personne n'a jamais taillées. On dirait qu'il a surgi, par enchantement, dans une forêt sauvage. Emmanuel Lambert, La désertion, par Emmanuel Lambert. C'est agréable d'entendre l'écrivain lui-même